comme ça, c'est bien. Thank you.

Donato, tu m'entends là? Attends, j'ai enlevé la réverb. Je vais te donner 2-3 petits conseils pour la batterie en swing. J'enlève la réverb. Voilà, plus de réverb. Alors bon, déjà, il faut jouer plus léger, c'est-à-dire éviter les coups de grosse caisse et les coups de caisse claire, surtout sur le 2L4. Ça alourdit énormément. Écoute-moi, arrête de jouer. Je te donne juste 2-3 petits conseils pour apprendre à jouer du jazz. Bon, même si tu connais pas beaucoup, c'est pas grave, ce que tu fais, c'est pas mal. Donc, essaye de jouer plus léger sur les cymbales et évite de donner des coups de caisse claire tous les deux temps, parce que ça alourdit. Et surtout, la grosse caisse, tu la gardes que pour le premier temps. Il faut compter jusqu'à 4, quoi. C'est ça qui est un petit peu difficile. Voilà, sinon, c'est pas mal. Bon, ben, on a fait un chouette jam là. Mais bon, le swing, pour ça, pour le ressentir, il faut que tu écoutes du jazz. Hein. C'est que comme ça que ça va te rentrer. Hein. Après, ça sera intuitif, tu t'en rendras même pas. Voilà. Bon, bah, on va attendre qu'il ait fini son coup de téléphone. Puis on va voir.